danser. Je vous invite à danser, danser, danser. Je vous invite à danser. Kabacha, Mokonyonyo, Sukuse. Mama. polygone. Thank you. sano ngana leliye o ngana we lisolo ngana mino kwa bato mine sukali o mama bako sasa ngai mona moto lokola ta baba ningari o mama bako teka ngai mona moto lokola yurasia teka ka manuel e mama. C'est malheureux, chérie Nangai, on dit Meli Bilobila Oya Kinshasa, au lieu de vérifier les cambo. Au Katimo Molingo, chérie Nangai, au Teki Molimo na Satan, chérie Nangai, au Sanzi Molingo, au Colandoto, chérie Nangai, au Mama, au Kambo, te chérie Nangai, au chérie Eke, au Koso Kakata, c'est mon to, chérie, et le Mongolo Piangai. Okiritu nature, sheri nangai, okiritu nature, sheri nangai, okiritu nature, olingo ebeti na fimbo, o mama ka, nazangi molongani, onza wete, ngai na lelie, o mama ka, ngai moko na kati ya ndako, na bali susi, ngai moko na kati ya ndako, na bali misere. Partagez mon chéri, yo yo yo. Mon chéri.